qui aime sans amour. Tu ne vois que ton miroir. Tu parles de nos histoires. C'est le livre de ta vie. Et quand je pleure au lit, je meurs de toi. Au nom de qui? Au nom de quoi? Tu fais ta vie rien que pour toi. Dis-moi au nom de qui? Tu voles mes nuits, je pense à toi. Dans ton silence, tu m'as ôté toutes mes chances, muet de tes cris.